Et maintenant, nous allons passer aux questions de la presse, si vous voulez bien. Madame Elmas-Pamy, vous avez la parole. En tant que journaliste à la montagne, j'aurais voulu informer quand même le lecteur sur le projet vraiment, les dates de début de travaux, ce que ça va impliquer comme temps, et le projet globalement, si quelqu'un peut m'expliquer. Qui veut s'exprimer du coup, peut-être monsieur l'ingénieur, peut-être monsieur Desfossés? Ah ben oui, pas de problème. En fait, ces travaux, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on y travaille. C'est un très très gros projet qui nous a déjà coûté très cher. Et le budget, 100 milliards environ, avec des retombées économiques absolument impressionnantes sur la vallée. Donc, monsieur Pierre Desfossés, vous avez été choisi comme ingénieur de ce projet. Pourriez-vous nous en parler? Ah ben, certainement, ce projet est déjà en étude depuis une dizaine d'années, il est quasiment commencé, c'est quelque chose de magnifique, qui sera unique en France. Le budget est relativement faible, on compte que quelques milliards, et les travaux devraient commencer le printemps prochain, pour se terminer un an plus tard. Un an plus tard, vous dites? Ah ben, certainement, avec les nouvelles techniques, on ne recule plus aussi longtemps que dans le temps, à l'époque de Garabi. Maintenant, c'est très vite fait, ça. Donc, peut-être une autre question dans... Oui, Thomas Parent-Ohen, Ouest France. Je voulais savoir, monsieur le maire, alors, en fait, est-ce que la décision de ce projet vient de vous? Est-ce que c'est vous qui avez souhaité ce projet? Non, ça n'est évidemment pas un projet de la mairie. Ça, vous imaginez bien que l'idée d'engloutir la moitié de la vallée de la Jordanne ne nous réjouissait pas à l'origine. Néanmoins, étant donné les contraintes actuelles en termes d'approvisionnement énergétique, on est bien obligé de trouver des solutions. Comme vous le savez, l'année prochaine, l'intégralité des centrales françaises, des centrales atomiques, doivent fermer leurs portes. Par conséquent, on va entrer dans une période de grande tension au niveau des approvisionnements électriques. Nous sommes contraints de trouver des alternatives. Et les alternatives ne sont pas nombreuses, hein. Aujourd'hui... Qui a eu l'idée de ce projet, en fait? Qui vous a suggéré ce projet? Excusez-moi de vous interrompre. Il nous a été suggéré... est-ce qu'on peut parler de suggestion? On peut plutôt parler de contraintes de la part des services de l'État, de la préfecture, en l'occurrence. Oui, parce que j'ai lu récemment qu'il avait été déclaré avant-hier à l'Assemblée nationale d'intérêt public. C'est donc vous, madame la préfète, qui avez soumis ce projet à l'État? Bien sûr que ce n'est pas moi, c'est des décisions qui se prennent à un niveau national sur les orientations autour de l'énergie. Ça découle aussi des décisions internationales prises lors de la COP22 de fermer ces centrales nucléaires et du coup d'avancer vers des énergies vertes et durables. Par ce projet, il y aura bien sûr un rayonnement international, car nous sommes le premier pays à mettre en place projet à partir d'un barrage tout en verre, à partir d'un matériel durable et recyclable. Donc ça s'inscrit dans ces plans internationaux, mais également dans la volonté de l'État d'avancer. Madame la préfète, Colline Elmasra de la Montagne, moi j'aimerais informer les lecteurs d'une manière locale. Et je voudrais m'adresser à monsieur l'ingénieur, savoir s'il pouvait nous expliquer techniquement qu'est-ce que cette construction allait impliquer, comment ça fonctionne. Nos lecteurs sont intéressés. Ah ben c'est un barrage de construction tout à fait unique et exceptionnel. Il est fait à partir de bouteilles de verre recyclées, fondues, pressées, d'une solidité absolument remarquable. Grâce à ce barrage en verre, on pourra voir les poissons sauver, les noyer. C'est un problème dans les barrages. Excusez-moi, est-ce qu'on pourra voir le clocher de l'église de Saint-Simon en transparence ? Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah le clocher de Saint-Simon et puis celui de Saint-Cyr de Jordan qui sera à l'écart de l'enfouissement sous l'eau de l'immersion puisqu'il est vibrateur. Il n'y a pas de problème. Imaginez les montagnes avec un peu de neige qui vont se refléter sur l'eau et qu'on va voir par transparence dans le barrage. Ce sera une merveille. Ce sera une merveille. Les gens du monde entier viendront voir. On aura des quarts de Chinois et de Japonais. À ce propos, si vous me permettez, j'aimerais dire que le barrage va permettre un développement important de l'activité touristique et par là économique sur la vallée. Hein. Puisque évidemment, ce projet est exceptionnel, unique au monde. Les gens vont venir du monde entier pour le voir. Et donc ça implique de réfléchir d'ores et déjà à l'infrastructure hôtelière, à l'offre de loisirs. On pourra très bien imaginer dans un futur très proche une base de loisirs de voile à Mandaille, un complexe hôtelier gigantesque à l'entrée de Saint-Simon. Vous voyez là où se trouve le rond-point de la sortie d'Aurillac. Bien, à cet endroit-là, nous allons construire dès l'année prochaine, en même temps que commencera le projet du barrage, un hôtel de 503 chambres. Tout à fait luxueux et moderne, au dernier standard d'équipement, et qui nous permettra d'accueillir confortablement les touristes venus du monde entier. Merci, Monsieur le Maire. Madame la Présidente, si je peux me permettre de compléter, il y aura effectivement, dans le cadre de la construction de ce barrage, il y a des financements prévus pour accompagner le développement économique local, à la fois de l'État, bien sûr, et donc pour les infrastructures et le développement territorial. Et également, l'Europe s'est engagée à apporter des financements dans le cadre du FEADER. Très bien, merci Madame la Préfète. Nous allons désormais passer à la question du public, si vous voulez bien. Mademoiselle, comment vous allez-vous ? Allez-vous, vous pouvez prendre la parole, si vous le souhaitez. Justine. Je m'appelle Justine, j'habite dans la Vallée des Merveilles, donc pas du tout ici, mais c'est vrai que ce serait plus facile si on veut se baigner, c'est vrai. Du coup, c'est pas mal. Et dites-moi, vous aimez les petits cochons ? Nous allons passer à une autre question, oui. Madame, je vous mets dans le moi, j'ai une petite entreprise, n'est-ce pas ? Philippine Dupont, hein. J'ai une petite entreprise pour faire les carreaux. Et alors, je propose à la mairie de pouvoir nettoyer les carreaux. Parce que si, pour qu'on voit où les poissons. Hein, parce que l'intérêt, c'est de voir les poissons quand même. Donc, il ne faut pas que ce soit sale. Monsieur le maire, hein? Qui veut alors, moi je voudrais, je voudrais que ma petite entreprise. Attendez-moi, madame Destin. Non, mais ma petite entreprise, c'est important quand même. Moi, je voudrais mais quand madame, même. Mais madame, nous avons bien compris votre question. Nous vous allons... êtes des politiques, mais quand madame, même. Madame, s'il vous plaît, nous allons laisser la parole. S'il vous plaît, madame. Je crois que madame la préfète a une réponse pour vous. Nous allons peut-être vous rappeler le montage financier et. Et de gouvernance. Excusez-moi, madame, je vais essayer d'expliciter pour que. Donc il y a un montage financier qui a été réalisé donc en partenariat avec une entreprise avec laquelle l'État français a l'habitude de travailler. Nous avons payé la conception et la réalisation qui ensuite peut s'occuper de l'exploitation du barrage pour les 100 prochaines années. Oh non, c'est pas possible. Oh, Et donc, c'est l'entreprise qui s'occupera d'employer des salariés, donc bien sûr des salariés de la vallée, hein, bien sûr des habitants de la vallée qui sont salariés dans cette entreprise. Mais c'est bien elle qui aura la responsabilité de l'entretien et de la maintenance et de l'exploitation de ce barrage. Et justement, à ce niveau-là, je crois que M. l'ingénieur, M. Desfossés peut vous apporter quelques réponses. Pierre. Oui, en fait, le problème, c'est, je vais vous rappeler, c'est du verre à partir de recyclage de bouteilles, donc entièrement écologique, vous imaginez bien, mais qui est d'une technologie tellement poussée qu'en fait, on a introduit des cellules auto-nettoyantes. On n'aura pas besoin de nettoyer ce barrage. Désolé, madame. Mais ne vous inquiétez pas, il y a les bureaux. Et oui, moi je m'appelle François. Et en fait, je tombe des nuages. Parce que je viens de me rendre compte de l'impact qu'il peut avoir ces barrages, notamment concernant ma personne. Puisque, en fait, moi-même, je possède une habitation, une maison privée, c'est là où j'habite. Et qu'effectivement, c'est la seule maison dont je dispose. Et je sais qu'il existe des méthodes légales à un moment donné pour exproprier quelqu'un, c'est-à-dire pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas habiter là où il veut. Et là-dessus, je tiens juste à manifester ma proteste. Nous sommes ici pour un projet qui est d'intérêt général. Ça ne m'intéresse pas. L'État porte ce projet car il répond à des enjeux forts actuels de transition énergétique, d'écologie et de développement durable. Au relogement de tous ces habitants. Bien sûr. Et les petits cochons alors, hein, vous y avez pensé? Légalement, de toute façon, il est nécessaire, quand nous exproprions quelqu'un, il est nécessaire de reloger. Donc il y a tout un plan de... des centaines d'habitants de Évidemment, le relogement est une question à laquelle on a pensé. Elle fait partie du projet. Comment, en tant que maire de village, pouvez-vous cautionner un tel projet? Non, ça va pas du tout. D'accord, vous êtes jamais compris. Madame Lazare, je vais vous répondre si vous m'en laissez la possibilité. Monsieur François également. Donc, monsieur François... C'est la 6e réunion publique que nous faisons. C'est la première fois que je vous vois ici. Depuis le début, nous parlons du relogement. Si vous vouliez être associé au projet, peut-être qu'il aurait fallu vous présenter plus tôt. Néanmoins, nous avons évidemment prévu des solutions de relogement pour toutes les personnes impactées par la zone qui sera inondée par le futur barrage. Et le lotissement prévu et le HLM... prévu pour les futurs relogements est en cours d'achèvement. Les habitants sont en train de rencontrer les architectes pour décider de la couleur des papiers peints. Attendez, s'il vous plaît, nous allons laisser la parole à l'ingénieur et après vous pourrez prendre la parole. Oui, alors, dans ce cadre-là, nous avons, j'espère, pensé à tout. L'électricité, les gens qui bénéficieront d'un relogement auront une réduction de 12,5% sur leur facture d'électricité. Donc là, je pense qu'on a fait le maximum. On a parlé des parasols, ils sont équipés de ventilateurs. Des pédalos électriques qui seront entièrement rechargés par le barrage, quand même. C'est important, ça. Une dernière question, monsieur. Alors, je sais que vous êtes des gens instruits, que vous êtes des gens raffinés, et vous allez bien au restaurant Le Coq, si je me souviens bien, où vous mangez des truffes. Vous êtes amateur de truffes. Peut-être que... Et madame, la truffe Saint-Simonoise, qui c'est qui la produit? Monsieur, c'est moi et mes petits cochons. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent c'est mes petits. Et sans ça, vous n'aurez plus vos truffes délicieuses. C'est monsieur, moi qui les fais, vos truffes Saint-Simonoise. Je vais être obligé de vous faire évacuer la salle si vous continuez. Une réflexion, pas une question. J'entends parler d'un barrage là. Vous roulez au vélo, au tribunal. C'est ça ce qui est. C'est bien, j'apprends qu'on veut inonder la vallée, c'est ça, pour faire je sais pas quoi, une fête de mettre un bocal avec les gens autour qui regardent les poissons. Non mais ça va pas la tête là. Non mais vous inondez la vallée, alors moi je suis à l'LPO, alors les nids des Milan Royaux, les nids des balbuzards pêcheurs, qu'est-ce qu'ils vont pêcher? Ils vont pêcher les touristes? Non mais j'y crois pas, là c'est pas possible. Et puis les aigles bottés que j'ai revu l'autre jour qui cherchaient à faire son nid, alors s'il n'y a plus que de l'eau, je vous dis pas quoi. On a déjà fait un gros effort pour faire un barrage en verre, donc on a ce qui prouve qu'on est bien parti dans une démarche écologique. On va installer des arbres en plastique de part et d'autre du barrage, avec des mouchoirs, des aigles royaux. Les mille royaux, ils vont se marrer en voyant vos aigles en plastique, vos arbres en plastique. Peut-être pour parler sur des bases fiables. Mais cherchons des bases fiables, on va avoir du mal. Vous pouvez consulter l'étude d'impact réalisée par le Madame, vous avez peut-être. On l'a élu, hein. Bah moi je fais confiance au maire. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je suis contente pour mes enfants, hein. Parce que ça va être transparent, c'est ça? Ah bah mais je suis contente. Et les poissons verront les touristes, c'est garanti sur facture. Ça, je suis très contente. Moi, je fais confiance à monsieur le maire de toute façon. Il faut ramener du monde dans cette vallée, monsieur le maire. Si possible, il n'y a personne. Le tourisme va être relancé. L'économie va repartir. Moi, par Antoine de Ouest-France, l'atelier municipal, vous vous présentez? Oui, bien sûr. Il faut que le bilan. Bilan plus Monsieur, vous êtes Michel Ducon, hein, c'est, désolé, je m'appelle comme ça. Je suis pas du tout d'accord. Je voudrais qu'on me dise où va l'argent. Je pense que c'est assez transparent. La commune ne financera que 2% du projet au final. C'est un montage financier extrêmement complexe qui implique la région, le département, la commune pour une très faible part, l'Europe, les impôts locaux. C'est toujours l'argent des contribuables quand même. Non, je suis pas d'accord. Là, ça va pas du tout. De toute façon, vous êtes jamais content. On va sortir les fusils si ça continue.